Qui m'a trahi ? Dit Colin, en promenant son terrible regard sur l'assemblée, et l'arrêtant sur mademoiselle Michonneau. « C'est toi, lui dit-il, vieille cagnotte, tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant deux mots, je pourrais te faire scier le cou dans 8 jours. Je te pardonne, je suis chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as vendu. Mais qui ? Ha ha ! Vous fouillez là-haut » s'écria-t-il en entendant les officiers de la police judiciaire qui ouvraient ses armoires et s'emparaient de ses effets. « Dénichez les oiseaux, envolez d'hier, et vous ne saurez rien. Mes livres de commerce sont là, » dit-il en se frappant le front. « Je sais qui m'a vendu maintenant. Ce ne peut être que ce gredin de fil de soie. Pas vrai, père l'empoigneur, » dit-il au chef de police. « Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos billets de banque là-haut. Plus rien, mes petits mouchards. Quant à fil de soie, il sera terré sous 15 jours, lors même que vous le feriez garder par toute votre gendarmerie. Que lui avez-vous donné à cette michonnette ? Dit-il aux gens de la police. Quelques milliers d'écus ? Je valais mieux que ça. Ninon Carrier, Pompadour en loque, Vénus du Père Lachaise. Si tu m'avais prévenu, tu aurais eu 6 000 francs. Ah, tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la préférence. Oui, je les aurais donnés pour éviter un voyage qui me contrarie et qui me fait perdre de l'argent, disait-il, pendant qu'on lui mettait les menottes. Ces gens-là vont se faire un plaisir de me traîner un temps infini pour m'autolondrer. S'ils m'envoyaient tout de suite au bagne, je serais bientôt rendu à mes occupations, malgré nos petits badauds du quai des Orfèvres. Là-bas, ils vont tous se mettre la main à l'envers pour faire évader leur général. Ce bon trompe la mort. Y a-t-il un de vous qui soit, comme moi, riche de plus de 10 000 frères, prêt à tout faire pour vous ? Demanda-t-il avec fierté. Il y a du bon, là, dit-il en se frappant le cœur. Je n'ai jamais trahi personne. Tiens, cagnotte, voilà, dit-il en s'adressant à la vieille fille. Ils me regardent avec terreur, mais toi, tu leur soulèves le cœur de dégoût. Ramasse ton lot. Il fit une pause en contemplant les pensionnaires. Êtes-vous bêtes, vous autres ? N'avez-vous jamais vu de forçat ? Un forçat de la trempe de Colin, ici présent, est un homme moins lâche que les autres, et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. Enfin, je suis seul contre le gouvernement, avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de budget, et je les roule.